Auditeurs, auditrices de Radio Chevauchard, Lisiane vous dit bonjour. Et quoi que le monde en pense. Vous êtes à l'écoute de Radio Chevauchard qui émet depuis le 7 rue de Chevauchard à Lève. Radio Chevauchard. Il est 9h. Cette heure vous est offerte par Guy Dutronc, votre artisan bijoutier joaillier à Mété. Bonne écoute. Vous êtes en ma compagnie jusqu'à midi. Nous souhaitons une bonne guérison à Julien. Vos messages, vos dédicaces, un petit renseignement 0910-157. N'oubliez pas de soutenir votre ASBL avec les nouvelles cartes de soutien qui sont bien arrivées pour 2023. Vous pouvez faire bien sûr votre paiement par le numéro de compte que nous allons écouter après l'indicatif. On est dans le studio 7 jusqu'à midi aujourd'hui. Premier vendredi du mois de décembre. Soutenez votre radio au numéro de compte suivant. BE 91 06 323 10 96 976. Il a sorti son nouveau CD, il s'appelle Franck Galland. Yo. Voilà, c'était le nouveau CD de Franck Galland, 2 mois et demi, qu'il est sorti sur Radio Chevauchoir, la 105.5. On écoute un prochain titre qui est tout spécialement la fête du jour, qui est la Saint-Viviane. Une bonne fête à toutes les Vivianes qui écoutent Radio Chevauchoir et il est chanté par Michel Delpech. Viviane est une femme volontaire. Dans sa vie, dans des hôtels italiens. Elle respecte les principes et les engagements de nature gaie et même parfois rieuse. Elle sait cependant être discrète. Viviane fait confiance facilement, mais gare à sa réaction qui peut être violente. Elle aime sa famille, ses proches qui l'entourent. Elle est exigeante aux avis questions amoureuses. J'étais dans des trains, dans des... Sa couleur préférée est le jaune, le chiffre est numéro 1. La pierre précieuse, c'est l'ambre. Et le métal, c'est l'or. Bonne fête à toute la Viviane qui écoute Radio Chevauchoir et spécialement à notre animatrice Viviane. Prénom de Viviane qu'on fête aujourd'hui, chanté par Michel Fugain sur la 105.5 Radio Chevauchoir. Merci de votre bonne écoute jusqu'à midi. Je suis avec vous et n'oubliez pas que vous pourrez m'appeler dès 9h30 au 0910-157. Voici pour ce qui est d'aujourd'hui. La samba est un genre musical de style et de danse originale du Brésil. L'origine de la samba remonte au XXe siècle, dans la feva de Salvador de Bahia. Au nord du pays, à l'époque, c'est une danse de rue pratique pour l'esclavage. Aujourd'hui, c'est la journée aussi de l'esclavage. Venu, bien sûr, de la colonie de portugaise. La samba est rythmique musique baïanaire à 2-4 temps, lancée par le Brésil. Samba, La samba est bien sûr composée principalement de percussions. Et de jouer du tam-tam, bien sûr, avec les mains. Découvrez l'univers resplendissant de la bijouterie de Guy Dutron, artisan bijoutier à Mété. Fabrication, transformation et réparation, confiez vos envies de bijoux à Guy, artisan bijoutier joaillier pour un travail professionnel et de qualité. Place Joseph Meunier, numéro 27 à Mété. Chez Guy Dutron, votre artisan de qualité. Renseignements au 0474 86 09 29. Mais le temps a tout effacé. Le duo que je vous propose aujourd'hui, c'est Kenji avec Gims. Parler de ces choses qui s'en vont et ne reviennent pas. Alors, nous allons écouter Amour toujours sur les antennes de Radio Chevauchois, la 105.5 Célisienne, avec vous jusqu'à 12h, où vous pouvez bien sûr m'appeler au 0900 10 257. Ah, amour toujours, hein, c'est comme la fleur, hein, que vous prenez la marguerite à la folie, passionnément, pas du tout. Ça rappelle notre jeunesse. À la folie, passionnément, c'était bien sûr Clara Luciani. Vos nouvelles cartes de soutien sont bien arrivées. Vous pouvez les acquérir aux 7 rue Chevauchoir durant les heures d'ouverture ou les heures d'activité de votre guinguette, mais également par téléphone et par courrier. N'hésitez pas à acquérir cette nouvelle carte de soutien 2023. Ta joie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre animateur Daniel. Bon anniversaire à toi, Daniel. Bonne journée avec toutes les personnes qui vont t'entourer en ce jour. Et surtout avec Monique. Bon anniversaire à notre animateur Daniel. Joie, bonheur et santé, Daniel. Prends bien soin de toi et de toutes les personnes qui vont t'entourer aujourd'hui. Et ton camarade Jean-François te souhaite un bon anniversaire, beaucoup de joie, de bonheur et encore beaucoup de rigolades ensemble. Voici pour toi. Il me l'a demandé, rien que pour toi. 0910-157, c'est Francis Jacques et Véronique qui souhaitent une bonne fête à Viviane de Givet et à toutes les Viviane qui écoutent Radio Chevauchoir. Un bon anniversaire à Daniel. Joie, bonheur et santé. Une bonne journée avec Monique. Et également une bonne journée à tous les auditeurs, auditrices, animateurs, animatrices et bénévoles de Radio Chevauchoir. Merci Francis et Véronique. Et pour vous, nous allons écouter un morceau d'accordéon joué par toi-même et à la Saint-Vivien, temps clair, pluie dans 40 jours. Voilà.